mardi 11 octobre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Les trois experts indépendants qui ont récemment produit un rapport sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015 sont déclarés indésirables au Burundi depuis ce 10 octobre par le ministère burundais des Relations extérieures. Dans ce journal, on vous parlera du remplacement à l'Assemblée nationale des députés de la coalition Amizero ya Barundi qui n'ont pas siégé depuis le début de cette législature. Trois personnes sont mortes, deux autres blessées dans la nuit de ce lundi lors d'une attaque contre un bistrot de Rutemé. C'est en commune Bugarama de la province Rumonge. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la réhabilitation des sept marchés de la capitale Bujumbura pourrait prendre fin au mois de novembre. L'annonce est du conseiller économique de la mairie de Bujumbura en la personne de Christophe Kinshasa. Dans la chronique santé de ce mardi, on vous parlera de l'épilepsie, qui est une maladie neurologique qui attaque toutes les catégories de personnes, nous dira le neurologue Patrice Balasukana. Vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti, à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, page politique pour débuter ce journal. Trois personnes, à savoir Madame Saïli Fadel Maya, Christophe Haynes et Pablo de Griff sont déclarés persona non grata ou indésirables au Burundi depuis ce lundi 10 octobre 2016. Cette décision est du ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale dont la copie a été transmise aux ambassadeurs du Burundi, les chargés d'affaires et les consuls généraux. Ce qui est connu, c'est que ces personnes citées sont les experts de l'ONU qui ont récemment produit le rapport sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis fin avril 2015, un rapport qui a été contesté par le pouvoir de Bujumbura, arguant que son contenu était mensonger. En page politique, toujours, le gouvernement burundais devrait avoir de bonnes relations avec les pays de la région et la communauté internationale. C'est du moins l'avis de Domitien Ndayizeye, ancien chef d'État du Burundi, fait savoir que les pays de la région ont joué un rôle important pour l'aboutissement des accords d'Arusha qui ont aidé les Burundais à assurer le retour à la démocratie. Il ajoute que les conséquences des mauvaises relations ne manquent pas, comme la suspension des aides. Les détails avec Alida Ndaikez. Cet ancien chef d'État dit qu'avant tout, les dirigeants doivent avoir de bonnes relations avec les dirigés pour prétendre à de bonnes relations avec les pays de la région, voire même les pays de la communauté internationale. Les relations entre la communauté internationale et le Burundi dépendent essentiellement des relations entre l'État et ses gouvernés. Si le Burundi dirige bien sa population, c'est cette population qui fera la propagande du Burundi à l'extérieur. Les liens qui unissent le Burundi avec la région sont très importants, comme le dit Domitien Ndayizeye. Ils ont permis au pays de faire un pas vers la démocratie à travers les accords d'Arusha. Il y a d'autres pays qui sont très intéressés par cette stabilité au plus haut niveau et qui voudraient que cette situation évolue, qui voudraient réussir la réconciliation des Burundais, mais où à la fin finira par affirmer encore une fois que les accords d'Arusha soient appliqués intégralement. Pour lui, un pays qui s'isole peut avoir des conséquences comme le manque d'aide. D'abord, cette instabilité déstabilise la sous-région, notamment au niveau des aides. L'Union européenne réclame une unité au sein de l'East African Community pour qu'ils puissent donner les aides de manière intégrale. Cela a pour conséquence également qu'une mauvaise position du Burundi a des conséquences sur les pays de la sous-région. Nous exportons nos compatriotes exilés dans les pays limitrophes. Nous sommes une charge pour leur pays. Ces propos font suite à la décision du gouvernement burundais de vouloir quitter la Cour pénale internationale. Merci à Alida Ndaikeza, toujours en page politique. Les responsables des partis politiques du Burundi sont appelés à recourir au dialogue à travers le forum permanent des partis politiques dans le but de trouver la solution à leurs problèmes et aux problèmes qui hantent le pays. Tels sont les propos du ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation patriotique lors d'une réunion tenue ce mardi à Gitega. L'intention des responsables des partis politiques pour voir ensemble leur rôle dans l'édification de la paix à travers le dialogue. dialogue. Les détails avec Arthur Kavawushi. Cette réunion a connu la participation des responsables des partis politiques du Burundi, reconnus par la loi dans le but d'analyser leur rôle dans l'édification de la paix à travers le dialogue. Pascal Warandagié, ministre de l'Intérieur de la Formation patriotique, a appelé les responsables de ces partis politiques de mettre en avant le dialogue, car c'est l'unique voie de trouver une solution à tous les problèmes qui les hantent ou qui hantent le pays. Ce ministre a alors demandé à ses responsables des partis politiques de toujours dialoguer à travers le forum permanent des partis politiques, car s'ils développent cet esprit de toujours dialoguer dans la recherche d'une solution face à un problème quelconque, cela permettra de sauvegarder la paix et la sécurité et partant, cette voie permettra de renforcer les relations entre les partis politiques et même, mais aussi entre les partis politiques et l'administration, qui fait que même le développement dans tous les domaines suive. Venant Manjambona est le gouverneur de la province de Gitega. Il a fait savoir que les relations entre l'administration et les responsables des partis politiques de cette province sont en général bonnes. Il a cependant demandé aux responsables des différents partis politiques et surtout ceux de Gitega de sensibiliser leurs membres et de s'atteler aux travaux de développement en chassant de leurs esprits que ce ne sont pas des travaux du parti au pouvoir. Prosper Nawami, premier conférencier, a fait savoir que dans les accords d'Arusha, il y a des réserves qui sont toujours soulevées chaque fois avant les élections. L'exemple est celui de Kayanza lors du dialogue organisé par la BENIB à l'intention des responsables des partis politiques. Ces obstacles devraient être contournés afin de permettre que tout soit sur une même ligne. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. Merci à Arthur Kavabushi, page sécurité sans transition. 3 morts et 2 blessés, tel est le bilan d'une attaque à main armée perpétrée contre un bistrot de Rutemé en commune Bugarama de la province Lumonge. Dans la nuit de ce lundi, les auteurs de cette attaque et les mobiles ne sont pas encore connus. Au niveau de la police de Lumonge, on appelle la population à veiller pour leur propre sécurité. C'est une correspondance de Jean-Pierre Misago. Vous nous excuserez de cette erreur technique. Nous allons revenir sur cet élément. En province Bubanza, le cadavre d'un homme de la colline Rugeyo en zone Nhamba de la commune Musigati, c'est dans la province Bubanza, qui était porté disparu depuis ce vendredi, a été retrouvé ce mardi. Dans la forêt naturelle de Rakibira, deux personnes qui ont montré où a été jeté ce corps sans vie ont été directement arrêtées, en plus de 5 autres qui avaient été arrêtés ce lundi pour enquête. C'est une correspondance de Spes Caritas Kawanyana. Cet élément n'est pas encore disponible. On revient sur l'élément de Jean-Pierre Misago. C'est un élément de sécurité. Il y a 3 morts et 2 autres blessés. Tel est le bilan d'une attaque à main armée perpétrée contre un bistrot de Rutemé en commune Bugarama de la province Lumonge. Dans la nuit de ce lundi, les auteurs de cette attaque et les mobiles ne sont pas encore connus. Au niveau de la police de Lumonge, on appelle la population à veiller pour leur propre sécurité. On continue avec ce journal. Le procès des présumés auteurs de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana a été pris en délibéré après 2 jours d'audience du tribunal de grande instance de Ntahangwa en itinérance à Gitega. Le ministère public a réquisitionné les accusés. Une peine de servitude pénale perpétuite. Toutefois, leurs avocats demandent la libération sans condition de ces derniers, puisque selon eux, le ministère public n'a pas d'indice sérieux de culpabilité. Isanganiro. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous le disais en titre. Les députés qui avaient été élus pour le compte de la coalition Amizero ya Barundi, mais qui n'avaient jamais siégé, ont été remplacés depuis ce mardi 11 octobre. La Cour constitutionnelle avait déjà constaté la vacance des postes qu'ils devraient occuper dans son arrêt du 17 mars de cette année. Certains des députés qui vont les remplacer ont déjà reçu les lettres qui leur demandent de siéger dès ce mardi au Ben Nyuhu. Le président de l'Assemblée nationale a déjà envoyé des lettres aux députés qui vont remplacer les députés défaillants de la coalition Amizero Yabarundi. Parmi ces nouveaux députés, il y a Ladislas Nindereye, Ferdinand Havdarimana, Emmanuel Ndayishimiye, Jean-Claude Kwizera et Olive Nkunzimana. Le 10 mars de cette année, le bureau de l'Assemblée nationale avait saisi la Cour constitutionnelle pour demander que cette dernière constate la vacance des postes de 8 députés d'Amizero Yabarundi. Selon l'article 11 du Code électoral, en cas d'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ordinaire, le bureau instruit et clôture le dossier qu'il transmet ensuite pour compétence à la Cour constitutionnelle. Les députés qui ont été remplacés avaient déjà totalisé 28 absences injustifiées pour la seule session d'octobre 2015. Il s'agit de Busokoza Bernard, Misero Mireille, Jacques Gasuhuke, Ndikumasabo Terence, Nditije Charles, Ngaimenda Evariste, Sayungwu Yves et Tassien Sibomana. Merci à Aubin Nyonguru, page éducation de ce journal. Les effectifs exorbitants dans les salles de classe et le manque de matériel scolaire causant problèmes sérieux par rapport à la capacité des enseignants ainsi qu'à l'encadrement pédagogique des élèves. Tels sont les propos de David Ninganza, directeur de la protection et chargé de la communication au sein de la solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance au Burundi, ce GPAE. David Ninganza appelle tous les partenaires du système éducatif burundais de s'y impliquer, propose des solutions pour faire face à ce problème. Suivez. Je vous le disais justement, les effectifs exorbitants dans les salles de classe, le manque de matériel scolaire cause un problème sérieux par rapport à la capacité des enseignants ainsi qu'à l'encadrement pédagogique des élèves. Tels sont les propos de David Ninganza, directeur de la protection et chargé de la communication au sein de la solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance au Burundi, ce GPAE. À David Ninganza appelle tous les partenaires du système éducatif burundais de s'y impliquer, propose des solutions pour faire face à ce problème. On l'écoute. La question exige que tous les Burundais vraiment contribuent, que tous les partenaires éducatifs soient impliqués. Quand je parle des partenaires éducatifs ici directement, je parle des leaders religieux parce qu'ils ont une influence importante au niveau de l'éducation, sans oublier les agences onusiennes qui nous aident, impliquant dans le secteur de l'éducation. Je pense que vraiment, c'est pas une affaire cette fois-ci du gouvernement seulement. Je pense que tous les Burundais doivent impliquer. Souvenez-vous de cas de crise. Tous les Burundais étaient impliqués pour la gestion de la crise, si je veux parler de l'effort de guerre. Est-ce que c'est pas vraiment l'éducation qui est primordiale, qui doit primer sur tout, qui peut inciter à tous les Burundais de donner leurs efforts, leurs contributions pour que la situation soit changée? Premièrement, il faut qu'il y ait des recrutements parce qu'il y a eu beaucoup de salles de classe qui se sont ajoutées. Quand il n'y a pas de nouvelles recrues au niveau des enseignants, vous comprenez qu'il y a des classes qui ne sont pas occupées. Il y a même des enseignants qui se sont arrogés le droit de chasser les enfants surtout de l'école maternelle parce qu'ils n'avaient pas des enseignants. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est que la solution d'urgence soit vraiment évidente au niveau des agences onusiennes, comme je l'ai dit, et aussi au niveau des organisations partenaires de l'éducation. Inciter, chercher des stratégies qui incitent tous les Burundais pour qu'ils soient impliqués parce que, comme je l'ai dit, l'État, c'est nous tous, c'est le gouvernement. Nous aussi, nous travaillons dans le cadre de chercher des solutions sages et pacifiques. Vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Le directeur de la SOGPAE l'indique après que certaines écoles post-fondamentales de la mairie de Bujumbura et